ça, tu joues dernière fossa, tu mérites le meilleur. On fera la fiesta, babe, tu es intestable, tu mérites d'aller ailleurs. Si t'as besoin de love, je suis le lascar qu'il te faut. Je te donnerai du love, jaloux sont tous tes pincos. Et on s'arrache ailleurs, ailleurs. Chalet. J'ai comme une envie de m'en aller. Fais tes balises pour un voyage royal. On va prendre le large. Fais-moi confiance, just follow me. Toi et moi loin de Paris. Là où les blèmes n'existent pas. On pourra faire ce qu'on veut même sans limite. Sans limite. Dîner au resto. Parle-moi tes envies, babe. Dis-moi tout ce qui tente tes projets. Est-ce qu'il va avec? En cas de détresse, j'suis présent pour évacuer le stress. J'suis pas parfait, mais je veux pas que tu parles de moi. Dis-moi, est-ce que tu me suis? Tu me fuis? Tu me suis ou plutôt est-ce que tu me fuis? Dis-moi, est-ce que tu me suis? Tu me fuis? Tu me suis ou plutôt est-ce que tu me fuis? Si t'as besoin de love, je suis le lascar qu'il te faut. Je te donnerai du love, jaloux sont tous tes pincos. Et on s'arrache ailleurs, ailleurs. Charlie, dis-moi, est-ce que t'es prête pour un nouvel air sur de nouvelles bases et un nouveau thème? Tes copines me boycottent, mais je les emmerde. Dis-leur, c'est du concret, je vends pas du rêve. Donc Charlie, viens, viens, on s'en va. Suis-moi si tu crois en moi, babe. T'en verras pas d'autre comme moi. Donc Charlie, viens, viens, on y va. Suis-moi si je t'apporte rien de space. Laisse-moi prouver qu'elles ont tort. Donc dis-moi, est-ce que tu me suis? Tu me fuis? Tu me suis ou plutôt est-ce que tu me fuis? Dis-moi est-ce que tu me suis? Tu me fuis? Tu me suis ou plutôt est-ce que tu me fuis? Si t'as besoin de love, je suis le lascar qu'il te faut. Je te donnerai du love, jaloux sont tous tes pincos. Et on s'arrache ailleurs, ailleurs. Je te mettrai à l'abri, chaudet, chaudet.